Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Madeleine Polliac, médecin, résistante et chef de l'escadron bleu. Quelle femme était-elle? Elle était sereine et puis très, très juste comme jugement. Elle était forte? Oh, fantastique. Elle était solide, forte et adorable. Simone Sainte-Olive, qui a fait partie de l'escadron bleu dirigé par Madeleine Polliac à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette admiration qu'elle voue à Madeleine Polliac était partagée, il faut le dire, par toutes celles qui l'ont suivie comme membre de l'escadron bleu. La mission de Madeleine Polliac à la tête de l'escadron bleu était de ramener au bercail les Français toujours prisonniers ou encore hospitalisés dans la Pologne d'après-guerre. Les femmes de l'escadron bleu ont assisté, par exemple, à la libération du camp de Dachau. Mais la mission de Madeleine Polliac a parfois pris des détours inattendus. L'exemple le plus connu étant probablement celui de cette communauté de religieuses violée par des soldats russes et qu'elle a aidé à accoucher et qui a été rendu célèbre, cet épisode, ce triste épisode, au cinéma dans le film Les Innocentes. Combien d'entre vous sont dans cet état? 7. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela était une horreur. Extrait de la bande-annonce du film Les Innocentes, réalisé par Anne Fontaine en 2015, pour nous raconter l'extraordinaire histoire de Madeleine Polliac et de sa brigade de l'escadron bleu. On retrouve dans nos studios de Paris Philippe Ménial, le neveu de Madeleine Polliac, l'auteur également du livre Madeleine Polliac, l'insoumise. Philippe Ménial, bonjour. Bonjour. On reviendra dans un instant, un peu plus tard au cours de l'émission, en fait, Philippe Ménial, sur l'histoire du film Les Innocentes qui a beaucoup participé au fait qu'on connaisse mieux votre tante Madeleine Polliac. Mais d'abord, un mot sur votre livre. Pourquoi avoir voulu raconter cette histoire de Madeleine Polliac? Eh bien, au-delà du devoir de mémoire, Madeleine Polliac a disparu tragiquement en février 1946 en Pologne. Et même dans la famille, le souvenir de cette femme qui a été décorée s'est estompé. Et avant de mourir, ma mère m'a fait venir et elle m'a remis une enveloppe où il y avait les lettres, les photos, les rapports de sa sœur. Et voilà, et elle me l'a transmis en me disant que peut-être un jour ça me serait utile. Et oui, 10 ans après, ça m'a été utile pour reconstituer le puzzle de la vie de cette femme ainsi que de l'escadron bleu et de pouvoir porter cette histoire très loin. Il faut dire que c'est devenu un film. Voilà. Et on en reparlera du film un peu plus tard, mais déjà, ce qu'on va faire avec vous, c'est de raconter cette histoire formidable, ce matériel sur lequel vous tombez et qui vous donne envie d'écrire ce livre, l'histoire de Madeleine Polliac et de cet escadron bleu, une histoire qui est assez mal connue. Un mot encore sur votre livre avant de raconter cette histoire-là. Madeleine Polliac, l'insoumise, c'est le titre de votre livre. Pourquoi l'insoumise? Une personne insoumise, c'est une personne qui est réfractaire aux règles sociales de son époque. C'est une provinciale qui va choisir de faire des études de médecine à une époque où il y a très très peu de femmes médecins en France et qui va décider de mener une vie de femme libre. Et cette vie, si vous voulez, elle va la consacrer d'abord à la médecine, puis elle va, pendant l'occupation, faire de la résistance et enfin, elle va se consacrer à cette mission qui est la mission de rapatriement des Français qui sont de l'autre côté du rideau de fer. Alors parlons-en de sa période de résistance, parce qu'effectivement, avant de se retrouver à la tête de l'escadron bleu, elle va participer à la résistance durant l'occupation. Quel rôle elle va jouer à ce moment-là? Eh bien écoutez, imaginez-vous une jeune femme, elle a 27 ans en 1939, quand la guerre est déclarée avec l'Allemagne, et cette jeune femme est à l'hôpital des enfants malades. C'est une femme qui est connue dans le service pour avoir un coup de bistouri très sûr, puisque c'est une spécialiste de la trachéotomie. La trachéotomie, c'est une opération très délicate, puisque si vous appuyez un peu trop, vous coupez les cordes vocales. Donc il s'agit sur les enfants d'intervenir et de faire des opérations très délicates. Elle est connue pour ça. Et pendant la résistance, elle appartient donc au milieu médical et elle va accomplir des missions. Elle va cacher des aviateurs anglais. Elle va servir de courrier pour des réseaux, pour des maquis. Et bref, elle va avoir une vie très occupée pendant la résistance, jusqu'au moment où, au moment de la libération de Paris, elle va rencontrer le général de Gaulle et c'est lui qui va décider de l'envoyer en mission en Russie et en Pologne. Avec un rôle important, c'est une femme et c'est elle qui sera chargée de cette mission de l'escadron bleu. Il y a 11 femmes avec elle, des infirmières. Elle part donc et c'est Madeleine qui va être à la tête de cet escadron bleu. Quelle est leur mission en Pologne? Alors, tout d'abord, on peut s'interroger sur pourquoi le général de Gaulle l'a choisie, elle, une femme. Et pour beaucoup de raisons, on va s'apercevoir que ces femmes vont accomplir des missions que peut-être des hommes n'auraient pas été capables de réussir, dans la mesure où ce sont des jeunes femmes, elles ont toutes entre 24 et 33 ans, elles sont toutes volontaires, et elles vont être sur un champ de bataille, puisque la Pologne va passer en 1945 de 5 ans d'occupation nazie à 45 ans d'occupation soviétique. Ouais. Donc c'est vraiment un moment, un tournant de l'histoire, et on envoie ces femmes sur un champ de bataille au moment où les Polonais décident de continuer la guerre, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de rejeter l'occupant, les troupes russes. Exactement comme nous, si Français, les Américains s'étaient imposés, eh bien on peut imaginer que tous les partisans français auraient continué la guerre pour essayer de d'évincer l'armée américaine de France. Et cette Pologne complètement détruite, cette Pologne que vous décrivez, la Pologne de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est évidemment aussi la Pologne des horreurs, de l'horreur des camps et les femmes de l'escadron bleu. Ça fera partie de leur mission de sortir les Français qui sont prisonniers, qui sont hospitalisés, donc de parfois arriver vraiment les toutes premières à certains camps d'extermination. Elles seront, par exemple, ces femmes de l'escadron bleu, elles seront là à la libération du camp de Dachau ou Dachau, si vous préférez, en allemand. Ici Benoît Lafleur de Radio-Canada qui vous parle de Londres. Un correspondant de la BBC, Ian Wilson, vient de visiter le camp de concentration de Dachau et en a rapporté des impressions sinistres. Tout près du camp, il y avait une voie de chemin de fer où se trouvaient 50 wagons tous remplis de cadavres émaciés. C'étaient les cadavres de prisonniers politiques que les nazis avaient évacués du camp de Buchenwald. Les Allemands les laissèrent là pendant 3 jours, sans eau et sans aucune nourriture. Ceux à qui il restait un peu d'énergie et qui ont tenté de s'échapper ont été abattus comme des chiens. Des camps comme Mauthausen, par exemple, ont bénéficié de la situation, de la présence d'un représentant de la Croix-Rouge, pour éviter le pire dans l'immédiat de la libération. De même qu'à Dachau, le même problème s'est posé. Ce sont la Croix-Rouge et les représentants de la Croix-Rouge qui sont allés au-devant des autorités américaines pour leur annoncer que le camp allait être occupé sans résistance et que par là même, il n'y aurait pas de carnage. Dans une autre enceinte du camp, le correspondant britannique a vu d'autres prisonniers à qui il restait un souffle de vie. Ils étaient trop faibles pour faire le moindre geste. C'est à peine s'ils pouvaient ouvrir les yeux. Le journaliste Benoît Lafleur et le médecin et ancien déporté Léon Boubien, que voient et que découvrent les femmes de l'escadron bleu, Philippe Ménial, quand elles arrivent à Dachau, en Allemagne? Ben écoutez, tout d'abord, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que nous sommes le 29 avril 1945. C'est-à-dire que ce camp, on en ouvre les portes, on le découvre, c'est l'armée américaine qui est là pour pénétrer dedans, une semaine pratiquement avant la paix. Et on peut s'interroger sur les raisons qui ont amené à libérer ce camp, où il y a plus de 30 000 personnes, aussi tard, et où on exterminait des gens, des milliers de gens, chaque jour. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que ces femmes sont confrontées à un spectacle atroce, dont les mots sont parfois incapables de traduire la réalité. Et la plupart des gens qui ont été confrontés à ces situations, n'ont jamais par la suite trouvé les mots exacts pour pouvoir exprimer la douleur, l'horreur, l'impossibilité de ce spectacle. Jusqu'où l'humain a été inhumain. Et c'est là ce qui ressort, si vous voulez, de ces rapports de ces femmes. C'est-à-dire que c'est impossible à décrire avec des mots usuels. Et Dachau, évidemment, ce sera peut-être enfin l'un des épisodes les plus sombres de la mission de cet escadron bleu. Elles iront dans d'autres camps parce que ça fait partie de leur mission de sortir, encore une fois, les Français de Pologne. Autrement que pour l'aspect des camps, Philippe Mignal, à quoi ressemble la mission de Madeleine Polliac et de l'escadron bleu au quotidien, je dirais? Eh bien, le général de Gaulle avait compris une chose, c'est qu'il évaluait, lui, à 500 000, et en fait, il y en avait 300 000 d'après les rapports qui ont suivi, à 300 000, le nombre de Français qui sont en Pologne en 1945. Ce sont essentiellement des STO, Services du Travail Obligatoire, ces gens qui ont été arrêtés en France et envoyés comme esclaves, entre guillemets, dans les usines allemandes, qui étaient soit en Allemagne, soit en Pologne. Et en Pologne, il y a 300 000 Français qui sont là, qui sont soit dans des camps de prisonniers pour les soldats, des camps de prisonniers pour les officiers, des camps de STO, des hôpitaux qui sont passés sous contrôle soviétique, car toute la Pologne de cette époque, en 1945, en avril 1945, est sous la domination soviétique. Mmh. Le spectacle est affreux et il faut rapatrier ces hommes qui, pour ceux qui ne sont pas valides, évidemment, sont dans une situation épouvantable. Ouais. Car le rideau de fer est en train déjà de retomber. Nous sommes en avril, mai, juin, la paix est arrivée. Et Staline n'a qu'une idée, c'est de garder ces 300 000 hommes qui forment une main-d'œuvre gratuite dont il a le plus grand besoin, puisque, rappelons-le, il y a eu 27 millions de morts soviétiques durant la dernière guerre. Et ça conduira cette volonté, même s'il a signé des ententes officiellement, Staline, pour que les Français puissent retourner au bercail. Effectivement, il ne veut pas que les Français quittent la Pologne. Ça va mener ces femmes de l'escadron bleu à toutes sortes d'astuces et de tractations pour ramener ces Français au bercail. Donnez-nous quelques exemples. Philippe Mignal, c'est assez formidable ce qu'elles devront faire. Eh bien, elles vont être amenées à kidnapper, par exemple, dans un hôpital qui est sous le contrôle soviétique, un hôpital polonais sous contrôle soviétique. Elles vont être amenées à kidnapper les blessés, c'est-à-dire à utiliser des stratagèmes pendant que certaines d'entre elles sont en train de discuter à la réception pour dire « il y a des Français », les Russes disent « mais non, il n'y a pas de Français ». Elles vont subrepticement dans une salle commune, elles font toutes les salles de l'hôpital et elles se mettent à chanter la Marseillaise pour attirer les Français. C'est comme ça que les Français disent « je suis là, je suis là ». Et elles vont les embarquer au nez à la barbe des Russes. Et elles vont même essuyer des coups de feu. Mais leur mission est tellement prodigieuse. Elles ont un tel sens de l'absolu qu'elles sont prêtes à courir des risques énormes pour pouvoir sauver ces quelques Français. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela était une horreur indicible. Ils sont restés deux jours. Et combien d'entre vous sont dans cet état? 7. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Nous sommes dans les mains de la Providence. Il vous faut quelqu'un de qualifié. Je peux vous faire envoyer une sage-femme de la Croix-Rouge polonaise. Vous faites ça. C'est la fin de notre couvent. Il sera fermé. Virginis matris clausula, si Christer expissime. Extrait du film Les Innocentes, réalisé par Anne Fontaine en 2015. Cet épisode des Innocentes, Philippe Mignal, il nous dit beaucoup sur ce que sera cette mission, sur ce que sera la mission de Madeleine Polliac dans cette Pologne d'après-guerre. Ça nous dit beaucoup aussi sur le drame que vivront les Polonais dans cette Pologne de l'après-guerre. Un mot d'abord sur les circonstances qui font que Madeleine Polliac découvre le drame de ces religieuses violées par des soldats russes. Eh bien, d'une manière assez rationnelle, on peut comprendre que ces religieuses polonaises ne peuvent s'adresser qu'à un médecin étranger, en aucun cas ne peuvent s'adresser à un médecin polonais ni à un médecin russe pour expliquer l'état dans lequel elles sont. Et donc il fallait qu'elles s'adressent à la seule personne qui pouvait en l'occurrence sur le terrain, et les écouter et prendre leur cas en considération. Et la seule personne, c'est Madeleine Polliac. Elle était médecin-chef de l'hôpital français de Varsovie, qu'il fallait reconstituer. Et donc, elle est en mesure, elle, d'écouter cette histoire et de se préoccuper de ces femmes sans remettre en cause l'organisation des religieuses polonaises. Et dans le secret absolu, parce qu'au fond, ces femmes vivent un peu la honte, évidemment, parce qu'elles ont, donc elles sont enceintes à la suite de ces viols à répétition. Et le contexte fait que, vous le disiez, c'est l'URSS qui prend la Pologne après la guerre. Et évidemment, l'Église catholique est dans une situation déjà très fragile dans cette Pologne. L'Église catholique est même dans une situation dramatique, puisque les communistes vont, en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, vont fermer énormément d'écoles qui sont tenues par des religieuses, ils vont fermer les couvents, ils vont fermer les églises, ils vont condamner énormément de prêtres, et il y a une espèce de chasse aux religieux qui va se faire, car, bien entendu, ils considèrent que les religieux sont des personnes superfétatoires et qui sont des gens qui n'ont pas de raison d'être dans un régime communiste qu'ils sont en train d'installer. Donc il faut aider ces femmes à accoucher et sauver leur honneur, sauver l'institution du drame. Et Madeleine Polliac, aura cette idée, cet éclair de génie pour sortir de l'impasse ces religieuses mères malgré elles. Ces enfants vivent dans la rue, ils n'ont pas de famille. Te dzieci mieszkają na ulicy i nie mają rodzin. Et vous pouvez les accueillir. A wy mogłybyście je przygarnąć. Comme ça, personne ne se demandera d'où viennent les enfants que vous portez. I w ten sposób nikt nie będzie zadawał pytań o dzieci, które są z klasztoru. Vous pourrez les garder auprès de vous et les élever ici sans crainte. Będziecie mogły je zatrzymać przy sobie i wychować bez strachu. Siostro. Ah, c'est assez génial, cette solution à laquelle pense Madeleine Polliac. C'est un extrait, encore une fois, du film Les Innocentes qu'on entendait. Comment devenir les enfants de ces religieuses, Philippe Ménial? Eh bien, ces enfants qui ont pu survivre, qui ont pu naître, qui ont pu exister, puisqu'on n'a pas parlé des religieuses qui n'ont pas voulu de ces enfants. Certaines se sont pendues. D'autres ont été tués, d'autres ont été, si vous voulez, ce sont les survivantes dont on parle. Eh bien, elles vont pouvoir avoir ces enfants, elles vont pouvoir créer cet orphelinat grâce à Madeleine, qui va les aider auprès des autorités. Et j'ai retrouvé dans les notes de Madeleine Polliac un rapport qui m'a énormément touché, c'est que 24 de ces enfants ont été rapatriés en France. Ah bon ? Et ils ont été... à travers le réseau hospitalier auquel elle appartenait, puisqu'elle appartenait dans elle faisait de la résistance à travers un réseau hospitalier, ils ont pu être adoptés. Et je cherche ces enfants aujourd'hui. J'aimerais en retrouver. C'est un peu votre rêve, au fond, que l'un d'eux... Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils savent eux-mêmes d'où ils viennent? Ça, c'est une autre question, mais vous rêveriez d'avoir que l'un d'eux vous fasse signe, au fond? Au fond, oui. C'est quelque chose, effectivement, de très émouvant de se dire que 24 enfants ont été rapatriés, qu'ils ont été adoptés. Les règles d'adoption de l'époque n'ont rien à voir avec les règles d'adoption d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en temps de guerre, à la fin de la guerre, vous pouviez, juste en passant devant un notaire et remplissant des fiches, j'ai eu les fiches sous les yeux, on vous demande de mettre des croix. Est-ce qu'on connaît le père? Oui, non. Est-ce qu'on connaît la mère? Oui, non. Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est... Il suffisait de mettre des croix pour pouvoir faire valider vos dossiers. Donc ces enfants avaient entre 1 an et 4 ans. Ils ont été adoptés. Aujourd'hui, ils ont, on va dire, entre 71 et 75 ans. Ouais. Donc ils sont parmi nous. Madeleine Polliac meurt en Pologne, en fait, à la fin de la mission de l'Escadron Bleu. Elle retourne en Pologne en 1946. Elle n'a que 33 ans au moment où elle meurt. Dans quelles circonstances meurt-elle, Philippe Ménial? Alors, dans des circonstances, elle meurt en mission. Le véhicule dans lequel elle est va s'écraser contre un arbre, mais plusieurs versions ont circulé. Là, je n'ai pas pu, faute de preuves, évoquer la version la plus probable, mais puisque je me suis basé sur les rapports du ministère des Affaires étrangères de l'époque, mais une des hypothèses les plus vraisemblables, c'est qu'elle a été victime d'un règlement de compte, puisqu'elle avait dans la voiture de l'ambassade l'homme qui venait pour négocier avec le gouvernement polonais la restitution des avoirs ou l'indemnisation des nationalisations des biens français qui étaient en Pologne. Et par ce biais, en tuant les passagers de cette voiture, eh bien, on refermait le dossier pour quelques mois. Revenons pour terminer cette émission sur ce film, Les Innocentes, le film d'Anne Fontaine, dont vous êtes au départ à l'origine. Le film a d'abord réussi, Philippe Méniel, bien sûr, c'est ce que vous souhaitiez à faire connaître, l'histoire de Madeleine Polliac, votre tante. Mais au final, quel bilan vous faites de cet exercice-là, je dirais, dans ce que le film dit et dans ce qui reste encore à dire autour de cette histoire de Madeleine Polliac et de l'Escadron Bleu? Alors, tout d'abord, le film est très réussi. Anne Fontaine a réussi un film brillant, élevé dans le sens de la religion, de tout ce que ces femmes religieuses peuvent vivre. Mais le film est un grand succès en France et le film est un succès dans le monde entier. Et le bilan qu'on peut tirer, c'est que avant la sortie du film en France, c'est-à-dire le 10 février 2016, Madeleine Polliac est absolument inconnue. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a 30 pages sur Google. Vous tapez Madeleine Polliac sur Wikipédia où vous pouvez voir. Et l'histoire, si vous voulez, se fait jour. Ouais. Et surtout, ça m'a permis de mettre, je dirais, en lumière l'héroïsme extraordinaire de toutes ces femmes qui vont, sans aucune arme, traverser la Pologne qui est en état de guerre et qui est un véritable champ de bataille, sans armes, sans rien du tout, pour sauver des vies humaines. Et ça, tout de même, c'est un exemple, peut-être, voilà, qui méritait d'être raconté, parce qu'il faut un courage, et elles étaient liées à la vie, à la mort, et bien que Madeleine soit morte, le reste de l'équipe, les 11 ambulancières et conductrices de la Croix-Rouge, sont vivantes, elles ont élevé leurs enfants dans l'amour de cette histoire et elles sont restées liées d'une manière incroyable entre elles. Ces quelques mois ont forgé une famille entre ces femmes qui sont appelées, ensuite les enfants les appelaient mon oncle et ma tante, les autres des autres familles. Pour en savoir plus sur l'histoire de Madeleine Polliac et sur cet escadron bleu, les auditeurs peuvent lire votre livre « Madeleine Polliac, l'insoumise », publié aux éditions XO. Philippe Méniel, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.